J'ai pas attendu qu'on me dise négro, vas-y prends le mic. Encore moins fait le mendiant pour une paire de Nike. Qu'elle vienne du bled ou foutre au cœur, on s'en branle grave. J'ai cette voix médium qui met l'accent grave. Ici c'est tout pour la débrouille, Pro Tools pour mettre des coups. Le rap n'est pas mort, j'ai pris son pouls. SM chargé sous le son blue. J'ai l'air calme à l'intérieur, mon son boum, mis en bouche. Avant de shooter, j'ai guisé les cartouches, esquivé les galouches. Laisse-nous faire écouter, ferme ta bouche. Comment parler de faire du bif quand tu niques le bise? Nous c'est familial quand on se tape la bise. Le type à personne n'est pas la pute du show business. Fais groover ma voix sur la grosse caisse. Accro, je reste paro, je blesse. Appelle-moi passe-partout sans passe-access. Oublie-moi si t'as truc, mon false aspect. Laisse-nous faire, laisse-nous viser les étoiles. Laisse-nous croquer dans la pomme avant de mettre les voile. Laisse-nous dire, laisse-nous faire, laisse-nous vivre, laisse-nous kiffer. Laisse ma musique chauffer les salles. Laisse-nous faire, laisse-nous viser les étoiles. Laisse-nous croquer dans la pomme avant de mettre les voiles. Laisse-nous dire, laisse-nous faire, laisse-nous vivre, laisse-nous kiffer. Laisse ma musique chauffer les salles. Mon rap est à prendre ou à laisser. Pas tendre, tu peux te blesser, pas victime de la mode. Infliction de fessée, diction dressée. L'addition sera sale et la prison. Je mets à la lumière ma face cachée, ma feuille tachée, ma faute tachée de rester bien tranquille. Quand table compose, cousin, moi j'enquille. Leur jalousie se met à la gonflette. Pour percer par tous de talent. Vérité, je vois que des sucettes. À la moindre altercation, ça fait le 17. Histoire de principe, nos valeurs, aucune disquette. Aucune chatte en chaleur dans mes clips, mec. Ma plume est trop franche, comment me le permettre? Laisse-nous faire, on a la bonne recette. Vas-y, bougez les têtes, laisse-moi coucher les lettres. Pas besoin de gonfler tes becs si t'as fouffé mon ex. Ah ouh. Laisse-nous faire, laisse-nous viser les étoiles. Laisse-nous croquer dans la pomme avant de mettre les voiles. Laisse-nous dire, laisse-nous faire, laisse-nous vivre, laisse-nous kiffer. Laisse ma musique chauffer les salles. Laisse-nous faire, laisse-nous viser les étoiles. Laisse-nous croquer dans la pomme avant de mettre les voiles. Laisse-nous dire, laisse-nous faire, laisse-nous vivre, laisse-nous kiffer. Laisse ma musique chauffer les salles. Laisse-nous faire, laisse-nous viser les étoiles. Laisse-nous croquer dans la pomme avant de mettre les voiles. Laisse-nous dire, laisse-nous faire, laisse-nous vivre, laisse-nous kiffer. Laisse ma musique chauffer les salles. Laisse-nous faire, laisse-nous viser les étoiles. Laisse-nous croquer dans la pomme avant de mettre les voiles. Laisse-nous dire, laisse-nous faire, laisse-nous vivre, laisse-nous kiffer. Laisse ma musique chauffer les salles.